Allons-y avec le commentaire de disque de la semaine. Mes commentaires de disque, vous pouvez les lire via le www.centra.qc.ca ou encore le www.quebecpop.com ainsi que sur la page Facebook de Canrock. Cette semaine, je vous reparle d'un album qui est sorti au printemps. L'album, le EP, c'est tout simplement « Chansons de laine » de Marjolaine Maurras. Premier opus pour l'auteur-compositrice-interprète Marjolaine Maurras, « Chansons de laine », se veut un premier effort réconfortant pour l'auditeur. Avec un univers très organique, Marjolaine Maurras a bien peaufiné chaque trame de guitare, de piano, de percussion, afin que chaque émotion évoquée atteigne l'âme de ceux qui écoutent ce petit produit. La première pièce, c'est la pièce titre « Chanson de laine » qu'on va entendre dans quelques instants, nous dévoile un superbe crescendo qui accompagne un très beau texte sur la douleur de la perte d'un être cher. Il y a deux secondes aussi qu'on va enfin entendre en fin de commentaire qui décrit bien l'intensité d'une relation tumultueuse sur un air de pop rock. Je vous donne bien entendu une adresse pour rejoindre ou découvrir l'univers de Marjolaine Maurras. Vous allez tout simplement à www.marjolainemaurras.com. MarjolaineMaurras.com. MarjolaineMaurras.com. Comme je vous disais, on va y aller avec une première pièce. C'est la pièce titre de l'album. Et ça donne un peu le ton, la couleur, l'univers de cet auteur, compositrice, interprète là. Voici Marjolaine Maurras, Chanson de laine. S'éviter chez moi, mais j'ai pas ma veste de laine. Je l'ai sûrement laissée quelque part sur le divan, la nuit où t'as oublié de me dire je t'aime. J'ai pas eu le temps de faire le ménage, ramasser les petits bouts de moi, éparpiller un peu partout dans ma chambre, comme mes pensées qui tournoient. Deux heures du mat, j'arrive pas à fermer l'œil. Mon cœur grelotte, écrit ton nom. Pour passer le temps, j'essaie de compter les moutons, mais je finis par m'endormir sur le fauteuil. Y'a pas un chat qui passe à ma fenêtre. Les oiseaux ont plié bagages. La photo du salon m'emporte dans les nuages. Mais sans toi, y'a pas d'arc-en-ciel. De s'inviter chez moi, mais j'ai pas ma veste de laine. Mes chansons préférées de ce petit opus, eh bien, sont Prendre le Nord, qu'on va entendre dans quelques secondes. qui est un texte magnifique sur le besoin de faire le vide, rechercher la tranquillité pour mieux se ressourcer. Il y a Marché droit, qui est sûrement le texte de l'album. Le duo d'auteurs Marjolaine Moras et Tina Eve Provo nous met en lumière toute la souffrance, le désespoir de l'itinérance. Il y a un autre beau texte qui m'a beaucoup plu, « Le soleil s'éteint sur le plancher », qui nous interpelle sur la solitude que peut créer l'Alzheimer. L'album se termine sur une pièce cachée qui vient nous accrocher un petit sourire au visage, un coup de foudre, qui est un petit air folk qui nous berce tendrement. Voici Marjolaine Moras avec une autre excellente chanson, une de mes préférées. Voici Prendre le Nord à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Je sens que le Nord qui dort en moi m'appelle à prendre le bord, m'exiler dans ce coin de pays où c'est beau d'être nulle part, admirer la beauté du silence qui s'effrite sous mes pas, les arbres qui bougent en cadence font valser mes tracas. Je retournerai encore me perdre en forêt, libre comme l'air, danser comme le vent, envoyer promener les heures, savourer le temps et tout laisser derrière. Les pieds dans le ruisseau, ma tête vogue, suit le flot. Mes chagrins récurrents petit bijou folk fort intéressant, supportant de magnifiques textes remplis de sérénité et de tendresse. Voilà ce que nous propose l'auteur-compositrice-interprète Marjolaine Moras. Un petit EP qui nous interpelle avec des sujets profonds, mais sans trop de lourdeur. Chanson de laine est même très réconfortant et nous fait découvrir une belle voix douce et apaisante. Découvrez l'univers de cette nouvelle auteure-compositrice-interprète en visitant son site internet marjolainemoras.com. Et pour vous parler un peu de l'artiste, elle vient d'être acceptée à l'école de la chanson de Granby. Donc, bravo pour elle. Et je vous invite à aller faire un tour sur son site internet pour découvrir son univers, marjolainemoras.com. On va y aller avec une dernière pièce. C'est 2 secondes, qui est l'extrait qui roule en ce moment sur plusieurs radios et qui est très, très bien accueilli. On l'écoute. Voici 2 secondes, Marjolaine Maurras. Chandail de laine au cœur de l'armée du salut en sorticaire. On veut se plaire et on se pique, on se provoque, on s'éternise, on s'empoisonne de scorpions en manque de forme. Tu dis que je veux jamais jouer, dis-moi pourquoi tu me fais pas rire. C'est jamais doux, jamais doux, plus que 2 secondes. Comme un chandail de laine, tu m'irrites et tu m'énerves, tu me réconfortes et ça m'enrage. Dis-moi pourquoi je suis pas fine, qu'avec toi que je suis comme ça, je veux toujours tester l'amour. Pourquoi mon mieux te suffit pas? Pourquoi ton pire me garde là? Comme un chandail de laine, tu boules la mythe et tu boules shit, tu me réchauffes pas et tu t'en vas vite. Je veux tellement, tellement, tellement, tellement, tellement que tu me fasses pas mal. Tu veux tellement, tellement, tellement, tellement, tellement que je te fasse du bien. Qu'au bout du compte, tout ce qu'on se fait, qu'au bout du compte, tout ce qu'on se fait, c'est jamais. Plus que 2 secondes, c'est jamais doux, jamais doux. Plus que 2 secondes, c'est jamais doux. C'est jamais doux, jamais doux. Plus que 2 secondes. Faut qu'on se dise les vraies affaires. On est ici parce qu'il n'y a plus rien à faire. On reste accroché à nos souvenirs parce qu'on a peur de devoir repartir. Il faut qu'on se dise les vraies affaires. Tu me regardes comme si je te n'ai. Le goût. faut qu'on se dise les vraies affaires. On est ici parce qu'il n'y a plus rien à faire. Perdu l'envie, Gabrielle Goulet, c'est ce qui a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario. Elle sera, elle aussi, de la partie où elle sera invitée. Là. Elle sera dans la salle pour le 6e gala de musique country animé par MC Gilles le 20 octobre prochain au Casino de Mont-Tremblant. Casino Mont-Tremblant. Et elle est en nomination pour auteur-compositrice de l'année, chanson de l'année, chanson socan de l'année, et spectacle de l'année également. Donc, Gabrielle Goulet, on vient l'entendre, comme je vous disais, perdu l'envie. Et on lui souhaite la meilleure des chances, bien sûr, tout comme Amélie Hall, Danny Boudreau, Laurie Leblanc. Il y a aussi Hurt Leblanc qui est là, Marty Pilly Roots. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'Acadiens, de Franco-Ontariens et de Québécois. Pour ce 6e gala de musique country qui est animé par MC Gilles. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec Marie-Claude, qui, elle, la dernière année, en tout cas le dernier 9 mois, a été assez intense. On parle de Rond-Point 4, on parle de lancement de son album Faune par le groupe TFO. Et aussi la finale, ben, beaucoup de spectacles, la demi-finale de Granby. Donc, ça a été assez intéressant pour elle, assez intense. Là, elle prend une pause écriture, parce qu'elle veut écrire pour son deuxième album, le préparer et nous proposer ça peut-être l'automne prochain, qui sait. Mais elle prend une pause et elle va écrire de nouvelles chansons. On va écouter Vagabond dans quelques instants. Par la suite, on va écouter « Faire du bien » du premier album de Céleste Lévy. Le deuxième est prêt, devrait être lancé à la mi-septembre, à suivre. Et le 22 septembre également, le 28 septembre, pardon, au Centre national des arts, il y aura Cindy Douard qui nous présentera son nouvel album qui a été lancé au printemps. On va écouter la pièce « Danse ». Mais pour l'instant, voici Marie-Claude, « Vagabond ». Là-bas ou par ici, si vaste la géographie du cœur, ok, ok. S'il faut partir aujourd'hui, je remplirai toutes mes valises. Il sait, ok, ok, ok, ok. Il sait, ok, ok, ok, ok. Je suis vagabond. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde, toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager ce qu'on a désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, ok, ok, ok. Il sait, ok, ok, ok, ok. Je suis vagabond sous la rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde, toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Je

sens pas ma danse. Sans pas.